à Saint-Denis. Un. Attention, j'arrive dangereux comme un frère en détention. J'suis pas le king mais la film moi la rançon. Toujours les tensions, j'évite le BDH dans la rage, les critiques tout le temps dans le son. Attention, faut assumer, tu fais le grand garçon. Sans prétention, Jules c'est du sale son. Trop la côte quand je me balade sur la côte. Les gars one ça grandit, c'est pas ma faute, ça crée des tensions. Les gens me disent que je suis dans mon del. Déguste mon son depuis sur la selle. Toi tu profites quand les gens sont faibles. C'est une victime mais tu lui prends son tel. J'baisse pas le pantalon, j'dis pas que tu les talons. Que serait agile sans son talent, pour ceux qui prennent du galon, pour tous au ballon. Street, life, shit, calibre dans le salon. Street, style, whip, night, MC, j'fly, y'a longtemps que j'ai les dents. Y'a longtemps que j'ai les dents. Chez moi les petits braques en 2,5. Sur le cross volé jusqu'à Saint-Denis. Passe au E, tu veux un 2,5. Tu seras heureux comme voir un frère en semi. Ça fait les pailles à deux et à la fin ça se nique. J'fais pas partie de ceux qui disent j'ai un brelique. J'ai eu le buzz d'un coup, j'ai rien vu venir. Mais j'me la pète pas, j'ai une répute à tenir. Ne t'affole pas, tu verras encore pire. Sert à rien de me chercher, j'ai pas tout mon empire. Les gars, on a sous coupe, c'est pour face à tout court. Et même pour poison, pour les couilles à tout coup. My nigga got my back, pistol and naked on the side. Today I'm in Miami, tomorrow I'm in all of the flights. So say, get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? I'm in that building. Stacks, racks to go get it. Thinking of the shit to let me buy your mind. After I drinking, now feel so faded. Thinking of the liquor and this shit is going crazy. My hoe gotta figure out the way I go winning. The back, fucking nigga ticket go winning. My knee nigga blow up, but there was a limit. Nah, guy, you are a bitch, I bet. I think I can put pussy. Mad bag, some bitches on me. I'm riding up and I'm riding. I fuck every bitch, I'm the racist. Gotta go step in the way, I'm a losing. The streets on my back, I'm a local bag it. Papers and dollars, I'm all I would get it. I'm a boss down to me, so. Yeah, my country is a lager. So empty like old fire. Yeah, but I Spain the way I ride. I'm a boss down a Trini soldier. My country is a lager. So empty like old fire. Yeah, but I Spain the way I ride. I'm out of day in the ghetto riding around in Cafalera. I cool a bitch blowing up for fun when he fuck for the night. My nigga got my back, pistol and naked on the side. Today I'm in Miami, tomorrow I'm in all of the flights. So say, get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, fais gaffe à l'ennemi qui rôde le soir avec ton ami. Le même qui te dit que mon frère c'est embrouillé, ouais, calomnie. Que des salopes qui se prennent pour des vaillants qui viennent et qui te disent alors aujourd'hui on carotte qui. On m'a blessé mon cœur mais t'inquiète rien de grave. On me dit c'est ça ils en profitent quand t'es brave. Tu sais quoi je te pardonne, j'attends moi quand je donne. Demande à Morta Chico ici moi ils le savent. Fais gaffe à l'ennemi qui rôde le soir avec ton ami. Le même qui te dit que mon frère c'est embrouillé, ouais, calomnie. Que des salopes qui se prennent pour des vaillants qui viennent et qui te disent alors aujourd'hui on carotte qui. On m'a blessé mon cœur mais t'inquiète rien de grave. On me dit c'est ça ils en profitent quand t'es brave. Tu sais quoi je te pardonne, j'attendrai moi quand je donne. Demande à Morta Chico ici moi et le sable. I'm out of day in the ghetto riding around in Cafalera. I cool a bitch blowing up my fun when he fuck for the night. My nigga got my back, pistol and naked on the side. Today I'm in Miami, tomorrow I'm in all of the flights. So say, get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it, what you say? Get it, why you do it.